dans le même sac. Les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau. Tous dans le même sac, les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau. J'ai vite compris ce que je deviendrai depuis tout petit. La musique tourne en moi comme un mal de tête, parce que j'écris sans cesse depuis l'école et puis l'enseigne. Ma haine reste gravée depuis que mon stylo saigne. Je traîne avec des mecs qui m'entraînent. Chaque jour je cultive la rage, celle que je sème. Et oui j'ai mal, tu m'as compris, je le dis sans cesse. Avec mes boys et puis des prods qui t'agressent. Si la route tourne, c'est que l'on change. Dis-toi que c'est un jour tombe, ce sera pour affiner mon chant. J'écrirai de ma cellule comme je l'ai déjà fait. Je compterai mes jours et puis passerai le salam au frais. Venu de là où l'état nous bassine, là où les faux qui ouvrent leur gueule ne connaissent pas nos racines. Sache que la rue n'est pas un film, poteau. Si tu joues le dur, à tout moment tu peux devenir un fier. On est tous dans le même sac, les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau. Tous dans le même sac, les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau. J'fixe ce que je vis de mes lyrics. J'm'attristise entre les risques et les rixes. Si j'investis, c'est que j'ai trop de pistes, que je maîtrise la rime après de nombreux tours de piste. Hey, trop d'hypocrites ne sont même pas sincères. Ils inventent des visages pour pouvoir venir dans les tiers. Pour ça que je surveille mes arrières, que je reste avec les frères à défourailler ça comme une balle en temps de guerre. Dédicace aux faux types qui voulaient que je tombe. Je suis le fautif d'un album qui te trompe. Salam aux jaloux qui veulent décourager en disant que c'est nul et qui font que m'écouter. Nos douleurs arrivent après des déceptions. Aucun de nous est fidèle et j'y vois pas d'exception. Je vise à apprendre ce que je ne sais pas, à comprendre la vie et puis tout ce qui nous sépare. Parce qu'on est tous dans le même sac, les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau. Tous dans le même sac, les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau. Parce qu'on est tous dans le même sac, les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau. Tous dans le même sac, les mêmes tas, les mêmes clans, les mêmes squats, les mêmes casses en extase. Tous dans le même cas, les mêmes cases, les mêmes draps dans le même cadre, au même stade, sous le même drapeau.